Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de La Cellule. Aujourd'hui, c'est un podcast Renaissance qui concernera Sean Renaissance avec Julien Renaissance. Julien, ça va, la pêche ? Bonjour, bonjour. Igor Renaissance. Bonjour. Ça va, la pêche ? Super bien. Hein, parce que c'est le... On ne le dit pas, mais... Décalage horaire, voilà. Le jet lag, c'est le jet lag. Le jet lag, voilà, c'est ça. Et Vincent Renaissance, aussi connu comme Vincent le Love Chef, Vincent Sci-Fi Universe, Vincent tout ça, et aujourd'hui Vincent Chan. Puisque voilà, tu vas Vincent Renaissance. Vincent Renaissance, absolument. Vincent Chan Renaissance. Voilà, voilà. Alors, on va parler de Chan longuement dans ce podcast. Vous allez nous présenter le jeu, son origine un petit peu. On va parler de la façon dont vous le faites renaître, du système que vous allez employer, de l'univers que vous avez décidé d'explorer. Ça va être intéressant. Alors, qui veut se lancer dans les origines ? Qu'est-ce que Chan à la base ? Qu'est-ce que c'est ? Alors voilà. C'est la question qu'il fallait pas poser. C'est là. Voilà. Je pose d'entrée de jeu la question qu'il faut pas poser. Alors, tu vois, je suis comme ça. La genèse. À la base. Alors, je suis né en 19. Non. Tout commence par un petit feu de bois au scout. Au tout début, du dinosaure. C'est ça. Alors, oui, le Big Bang. Juste après. Igor. Voilà. Donc, en fait, le principe, c'est que c'était une création d'un adolescent prépubère qui avait des choses à raconter. Mmh. Et puis, j'étais parti dans une volonté de créer un monde dans lequel je pouvais y mettre tout un tas de cris, de rage, de c'est pas cool la vie, tout ça. Et, donc voilà, Igor, il faut commencer par dire que c'est un de tes jeux. Absolument. Ton jeu à toi. C'est un jeu français. Développé par des Français. Absolument, 100% français. Absolument. La French Touch à exactement. Fond. C'était, voilà. Et c'était il y a une vingtaine d'années en fait. Donc ça nous rajeunit pas tout ça. Et puis donc en gros voilà, il y a ce jeu qui a été créé, qui s'est développé surtout en Afrique. Mmh. Puisque j'ai eu l'occasion de partir en Afrique en coopération et c'est surtout là que vraiment j'ai eu toutes des idées qui se sont concrétisées, matérialisées par rapport à la colonisation humaine, par rapport à les notions de peuples autochtones, tout un tas de choses qui sont dans le jeu en fait, bien. Mais qui viennent de vécu en fait. Donc ça c'était un point rigolo. Et, c'est génial quand même. Ben c'est il y a du vécu, il y a du vécu, il y a de l'âme. Ouais. Et puis après donc je suis revenu avec le jeu sous le bras, j'ai fait le tour de différents éditeurs et puis finalement au bout d'un an je suis tombé sur un éditeur qui m'a dit en fait en gros ça fait un an que je t'attendais puisque le mec était pote avec le gars que j'ai remplacé en Mauritanie. Donc, c'est le truc, la lumière de boucle comme ça, incroyable. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc c'était Chan. C'était Chan. le destin appelait incroyable. Ce jeu. Exactement. Donc voilà, le jeu s'est fait dans ces conditions. On a édité des romans, il y a eu des suppléments, une BD aussi que j'avais faite avec Bernard Astoin en co-scénariste et Christophe Soile en dessinateur. Ouais. C'était chez Vendouest. On a fait deux tomes. Et puis voilà, donc le jeu a eu c'était pas non plus un super gros succès, hein, mais on parle de succès d'estime. Absolument, absolument. Et puis, tu sais que sur La Cellule, on parle très très souvent de Chan. C'est vrai. Vraiment. Ah oui, ça nous arrive très souvent. Parce que, en fait, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il me semble que c'était un des premiers jeux dans lesquels on pouvait jouer des êtres qui avaient des sensations différentes de celles des êtres humains. Ça, c'est le premier point. Or, mon jeu Sens Renaissance, encore un Renaissance, et bien justement partait de ce principe qu'on allait jouer des créatures avec des sens. Donc première raison, et deuxième raison, c'est pour la religion chaniste, je crois. Alors, c'est pas une religion, attention, on va quitter le plateau. C'est une philosophie de vie. Voilà en gros, voilà. Une attitude. Excuse-moi. Parce qu'à côté, il y a des religions aussi à côté, c'est pour ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle pousse les joueurs à rentrer dans certains codes et éthique de vie et certaines manières de jouer du coup. En fait, c'est que chaque race en fait, chaque race encourage à ça, puisque t'as pas honte de parler de race ? Non. Non. Non parce que ça ne te pose aucun problème. Non, c'est pas sale. C'est pas sale. Non. Vu qu'ils sont toutes, on est tous égalitaires là-dessus. Au contraire, justement, il n'y a pas d'ambiguïté. Et de toute façon, malheureusement. Dans le vocabulaire rôliste, ça ne désigne pas bien sûr, tout. Ce que ça désigne dans la réalité. Il y a des racines vraiment différentes. Julien. Oui. Des racines, des ancêtres. Le Molo attention à ton micro, ça. Julien. Ouais. Concernant les races, il y a des racines vraiment différentes pour chaque race, le Mologai, le Saren, enfin c'est vraiment très caractéristique. Quand tu parles de racines, ça compte qu'il y a des espèces différentes qui ont donné lieu après à des races. Donc c'est pour ça qu'on parle vraiment de races, parce que toutes n'ont pas la même origine en fait. D'accord, ok. Ok. Alors, reprenons quand même le fil de notre podcast. On parlait de l'origine du jeu. Je pense que... Est-ce que tu as des choses à rajouter ? Il y avait un style visuel bien particulier déjà dans Shan. Alors ça, c'était quelque chose d'assez... C'est un cadeau. C'est Hervé Loiselet qui était l'éditeur avec Guillaume Gélinave. Et Hervé Loiselet, lui, était scénariste avec un dessinateur qui s'appelait Frédéric Vidal, je crois bien. Et Frédéric Vidal travaillait avec Mathieu Loffray sur une série. Et donc en fait, Mathieu Loffray, qui connaissait Claire Van Ligne, avait travaillé un peu en studio avec elle déjà. Et donc il y a Hervé qui m'a proposé, on recherchait des illustrateurs, et comme lui il connaissait ces personnes, on les a branchés. Ils ont été, alors pour la petite histoire, c'était assez rigolo parce que c'était une soirée où on présentait justement ces dessinateurs. Et donc c'était surtout Mathieu Loffray qu'on m'avait présenté. Et puis il y avait une fille à côté qui avait l'air intéressée. Excuse-moi, je dis ton nom pour les auditeurs. Ah pardon, d'accord, parce que je me disais, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Merde, qu'est-ce que je fais ? Pour les auditeurs. Et donc il avait l'air intéressé et tout ça, et en fait j'ai appris, après c'était Claire Van Ligne, donc du coup, connaissant son travail, après séance son travail, j'étais tout content et tout ému, et donc ils ont contribué à finalement donner une espèce de pâte graphique assez particulière, chose... et qui n'a pas vieilli. C'est ça qui est fort, c'est que absolument. 20 ans plus tard, ça reste vraiment très très bien. Et on est parti sur un principe pour la réédition de mettre en couleur ces visuels. Et le souci, c'est que moi, je voulais pas non plus faire une mise en couleur BD. Parce que le problème, c'est qu'en gardant le trait avec une mise en couleur derrière, ça faisait BD. Et tout de suite, ça crée une distance par rapport à l'univers. Enfin, par rapport à du jeu en règle générale, le style BD... Je pense BD que les dessins noir et blanc permettent d'imaginer un peu plus de... Alors, voilà, on peut se projeter dans un dessin noir et blanc, alors qu'un dessin mis en couleur comme une BD, moins. Donc, l'idée, c'était de garder toute la structure, mais d'enlever le trait et de récupérer l'âme des dessins en mettant de la couleur. Et donc, il y a Kevin Lemoyne, Cyril Nouvelle qu'on travaille là-dessus, puis qu'on fait un travail absolument remarquable, parce que du coup ils ont redonné un second souffle à ces visuels et qui prouvent leur actualité encore. Donc voilà, donc ça c'est un cadeau parce que vraiment ils étaient très bien. Ça a contribué au succès d'estime du jeu. En tout cas, c'est le côté graphique qui était intéressant. Quoi. D'accord. Alors maintenant, on va parler un peu plus de la renaissance. Pourquoi une renaissance de Shan? Alors, je continue encore un petit peu, et puis après, donc au départ, moi, dans l'idée, moi, c'était fini. Le jeu était fait, moi, j'étais passé à autre chose, et en fait, maintenant, je viens, vas-y. En fait, c'est la communauté qui a fait le reste. Ensuite, il y a, à l'époque des mailing lists, une mailing list qui s'est créée sur Shan. Le jeu a continué d'exister bien au-delà des années 80. Alors c'est ça. 80. À ma grande surprise, en fait, il y a eu des gens qui continuaient à jouer, alors que c'était plus du tout, il n'y a plus d'actualité, il n'y a plus rien, quoi, en fait. C'est là qu'on peut parler justement de succès d'estime. Voilà, exactement. C'est que c'est sur la longueur, de toute façon, sur la durée des jeux qu'on voit les succès, en fait. Hein. C'est ça. Parce qu'il y a des jeux qui explosent véritablement et qui, au bout d'un mois ou deux, n'existent plus après. Plus du tout d'actualité, n'existent plus ensuite. Là, c'est pas le cas de Shan, justement. Non. Ouais. Non, c'est un jeu que. Et donc, Julien, mailing list. Il y avait vraiment une communauté assez soudée sur cette mailing list. Et un beau jour, quelqu'un s'est balancé un message. Tiens, si on écrivait une campagne sur le thème des Saren, qui est une ancienne civilisation dans le monde de Shan. Il y a des millions d'années, qui avait atteint un niveau technologique très important. Et donc, il y a des vestiges et tout ça. On va parler du background de Shan en détail, probablement dans la suite du podcast. D'abord, vraiment, cette histoire de renaissance donc, part d'une mailing list dans laquelle vous êtes... D'un message, d'une annonce. Tiens, si on écrivait un truc tous ensemble. D'accord. À partir de là, ça s'est emballé, plein d'idées ont jailli. Donc c'était vraiment une espèce de travail collaboratif, mise en commun de plein d'idées, de toute notre chacun avait sa vision de Shan et chacun apportait sa touche. Il y avait plusieurs maîtres de jeu dans cette mailing list coup ça. Il y avait quelques joueurs aussi. D'accord. Mais ouais, essentiellement des maîtres de jeu, je pense. Et à partir de là, Igor a participé aussi un peu à la mailing list. T'étais dans la mailing list. En fait, oui, j'étais contacté. Je sais plus où. Je sais plus comment ça. Si, voilà, parce que je crois que c'était toi déjà qui m'avais contacté pour savoir si ça me posait un problème, que vous éditiez un truc. Enfin, je sais plus comment ça s'est. Non, je pense que t'étais venu naturellement dessus et c'est pas là que je. On était peut-être en contact par mail, mais. Et Vincent, toi, c'est là que tu interviens dans cette mailing list? Ou pas du tout? Non, pas du tout. Non, pas encore. Alors, pour l'instant. Mais qui es-tu? La guest star qui interviendra ensuite. Non, ce suspense est insoutenable. C'est insoutenable. C'est insoutenable. Mais quand va venir Vincent? Vincent, tu vas voir, c'est coquette. Et donc, il y avait beaucoup de tables de Shan. Ça joue encore beaucoup à Shan au moment où vous avez dit. Oui, j'imagine. Ouais. Parce qu'il y a. On était, ça fusait quand même pas mal. On s'en rend pas compte. Le milieu du jeu de rôle est un milieu où tout est très cloisonné. Bah, les tables jouent dans leur coin. Et c'est ça. On ne sait pas. Il y a des choses qui se font qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Voilà, exactement. Sur cette idée de campagne, en fait, le problème s'est posé du système de jeu. On y reviendra sûrement. Ouais. Et du coup, l'idée est venue d'une seconde édition, carrément, de réécrire un peu le système de jeu. Alors moi, je vous avoue, quand j'ai vu que Shan allait ressortir, je m'attendais à ce que ce soit le même jeu, mais refait. L'équivalent d'un remake, je crois, c'est comme ça qu'on dit. Un reboot. Justement, je ne m'attendais pas à un reboot, je m'attendais à un remake. Et au final, non, c'est vraiment... À la base, c'était un peu ça l'idée. C'était vraiment refaire le système de jeu pour... Et reprendre la base du background de Shan, qui était vraiment l'âme du jeu, et ce qui a plu vraiment aux gens, et c'est pour ça qu'on y jouait. Ouais. Ensuite, c'est plus tard qu'on a décidé de faire avancer ce background-là, pour des raisons qu'on va expliquer plus tard. Yes. On va tout dire plus tard, en fait. On va tout dire plus tard. Non, mais première surprise, après... c'est qu'en fait, il s'agit d'une autre campagne. On va faire... autre chose dans l'univers de Shan dans cette renaissance. Ça c'est important. Alors, à dire. On va faire d'autres choses. On va faire d'autres choses. On va faire la même chose. Parce qu'il y a des gens qui aiment bien quand même le côté. Oui, bonjour. Oui. C'est pour rire. Faut que tu prennes le coup parce que je vais le faire à chaque fois. Non, je sais plus ce que je disais. On va faire d'autres choses et aussi la même chose. C'est que on va parler donc plus tard donc du background, mais en tout cas dans la version de base, il y avait un côté l'envahisseur humain, une espèce de nouvel ordre qui imposait des lois, qui parquait les races, qui était vraiment pas très très cool du tout. Ouais. Et les Éociens, dans ce que les joueurs jouaient, étaient un peu persécutés quand même. Donc c'était un univers pas hyper fun. Un peu persécuté. Oui. Bon, je pense c'est un euphémisme. donc quand tu jouais, tu jouais à résistant souvent, et puis tu devais souvent pas agir au grand jour, parce que dès que tu faisais de la magie en plein air, on tirait dessus. Dès que tu disais que t'étais un chahaniste, on te tirait dessus, donc tu le disais pas. Mais comme tu voulais pas mentir, si on disait t'es un chahaniste, merci. Voilà. Donc, c'était les scénarios tournaient beaucoup autour de je vais en prison, je m'en échappe, je vais faire une mission. Voilà. Même si potentiellement dans ma tête, on pouvait faire plein d'autres choses. Mais c'est vrai que la façon dont était déroulé le background, ce qui était développé, n'incitait pas à faire forcément d'autres choses. Voilà. D'accord. Alors que moi, ce qui m'a toujours alimenté l'imaginaire, c'est Mézières. C'est vraiment la référence. Mézières et Silverberg, c'est les deux, on va dire, les deux auteurs qui m'ont vraiment. Tu peux citer des références précises, des bouquins. Alors Mézières, c'est Valérian, tous les Valérians. C'est graphiquement, c'était des choses qui m'ont fait vraiment voyager avec une espèce de, avec une âme, une poésie, une inventivité dans les univers, une chaleur, une intelligence. Enfin, là, de Christin et Mézières qui étaient vraiment les auteurs de Valérian et Laureline. J'ai un souvenir, c'est vrai que je repense à la base de Shan que j'ai aperçue il y a très très longtemps, hein, Igor. J'en ai jamais possédé une moi-même, c'était un autre MJ qui nous faisait le jeu. Et j'en ai un souvenir très chaleureux. Ben c'est ça. Un univers africanisant, ah bah tropical un peu. C'est exactement ça. Avec des arbres très feuillus, une chaleur constante. C'est ça. Grande végétation de la jungle. Luxuriant. En fait. C'était luxuriant, voilà, c'est ça. Ah, parce que, alors, dans l'idée, c'est que dans ce monde-là. Igor. Oui, bonjour. Alors, je te le ferai à chaque fois. Hein, ah, dans le principe, c'est qu'en fait, on a des races, mais on a des peuples. Mmh. Et en fait, l'idée, c'est pour démultiplier la jouabilité l'identification des personnages. On a 10 races, on a 10 peuples, mais qui se croisent. D'accord. Donc en fait, on va avoir des Darken des sables, des Darken des grands arbres, des Kelwyn des sables, etc. Et en partant du principe que les peuples ont plus d'affinité entre eux que les races entre elles. Donc un Darken des sables aura plus d'affinité avec un Boréal des sables qu'avec un Darken des montagnes, par exemple. Voilà. Alors ce qu'il faut dire tout de suite aux auditeurs, parce que on n'en a pas parlé encore, non. Mais c'est que Shan se déroule dans un autre monde. Alors, qui voilà. S'appelle Léossi, c'est bien ça ? Alors la planète s'appelle Eos. Eos. Et il y a plusieurs continents, et dont un continent qui s'appelle Léossi. Qui est le principal continent de jeu. Alors voilà. Que se passe-t-il dans Shan ? Quel est le background du jeu ? Quelle est l'histoire du monde ? Quoi est-ce que tu invites tes joueurs à jouer ? C'est assez simple, en fait. Grâce à Avatar, maintenant, ouais, ça nous permet d'avoir justement un pitch en 2 secondes. Ouais. C'est Avatar puissance 10. Parce qu'on a 10 races, 10 peuples, 10 castes. C'est Avatar 20 ans avant, en fait, j'ai envie de dire. Ah oui, mais alors ça c'est un autre problème. Oui, oui, oui. Alors, j'ai... Moi, quand j'ai vu Avatar, j'ai pensé à Shan. Je me suis dit, c'est quoi Alors, il y a beaucoup qui m'encouragent à faire un procès à Cameron, mais non. En fait, je vais pas le faire. parce qu'au contraire, ça. Pas si tu gagnerais. Non plus, mais voilà. Mais ça contribue, en tout cas, à permettre de faire comprendre le jeu. Ouais. Parce qu'avant, fallait que je mette 5 minutes à expliquer. Alors, oui, alors voilà, il y a une planète, et puis il y a ce que je suis en train de faire à l'instant, il y a une planète, différents peuples qui sont entre eux, donc de la rive fantasy, avec de la magie, de toute la culture, et puis il y a l'humain qui débarque avec son vaisseau spatial, et donc il y a une confrontation autochtone, magie, contre technologie, et donc dans l'idée c'est qu'on joue le méchant, ouais. C'est le contraire, l'humain c'est le méchant, voilà, c'est et ça. Donc on joue l'autre. C'est ça l'idée de base fondatrice. On joue Pocahontas et non voilà, pas... Voilà, exactement, John Smith. Devient John Smith. C'est exactement ça. Ouais. Donc, ça, c'était un des points forts que je trouvais intéressant à développer. C'était le point fort de Shan dans les années 80. Absolument. Ouais. Et donc, voilà, c'était ce côté-là. Alors, on a trouvé qu'il y a un côté manichéen, en fait. Les humains étaient caricaturaux, quand même, oui, dans la base. Oui, absolument. Mais il y avait quand même des humains sympas aussi. C'est qu'en fait, même dans le jeu de base, on avait des Éociens qui étaient des grappules, on avait des humains qui étaient cool, et puis des Éociens qui étaient résistants et des humains qui étaient oppresseurs. Donc les Éociens, il faut bien préciser pour les auditeurs que ce sont les habitants du monde. Habitants du monde, exactement. Que les humains viennent coloniser. Viennent coloniser. Comme des malpropres. Ils viennent coloniser, ils viennent parquer, ils viennent enfin voilà. Trier, classer des ethnies qui ne sont pas faites pour ça. Dessiner des frontières. Absolument. Et là, c'est là qu'on reconnaît l'influence africaine, en fait, dans le jeu. Ah oui. C'est exactement ce que l'Europe a fait en Afrique. Mais exactement. Voilà. Alors après, ce qui était très rigolo, c'est que, moi j'étais en Mauritanie, dans la capitale. Igor. Bonjour. Ouais. Et on avait tout un tas de communautés en fait qui vivaient à Nouakchott. Il y avait une communauté chinoise, une communauté portugaise, une communauté américaine, une communauté russe, une communauté française, et puis plein d'ethnies aussi locales. Ouais. Et ce qui était fabuleux et fascinant, c'était de passer d'une communauté à l'autre. Ça m'a beaucoup beaucoup influencé parce que chaque communauté avait sa propre culture, sa propre façon de voir les choses. Bien sûr. Et c'était vachement sympa de pouvoir rentrer un peu dans toutes ces communautés. Parce que moi j'étais dans un trip justement, je sais pas si c'est ce qui m'a donné envie de faire le jeu ou si le jeu qui m'a ouvert et donné envie de faire ce truc là, c'est lié en fait, je crois. Et parce que c'est vraiment participer à la création du ça, c'est intéressant déjà d'avoir un auteur qui fait un jeu pour parler de quelque chose qu'il a vécu, de quelque chose de réel. On prend l'ensemble des jeux qui sont créés dans l'univers francophone, c'est très rare en fait qu'un jeu amène un auteur à parler de ce qu'il a vécu, de choses qui l'ont marqué. En fait, généralement, on veut le dépaysement. On cherche absolument pas à faire réfléchir sur des situations réelles. Et là, toi, tu prends le pari dans les années 80 de faire ça. C'est fou quand même. C'est le principe. C'est déjà un jeu d'auteur en fait. C'est le principe de la SF des années des années 50-60 où effectivement on part d'une réalité et avec un prisme en fait on part ailleurs, ouais. Mais pour démontrer des principes de société ou des choses qui peuvent se passer actuellement. Ouais. Donc et d'inviter les joueurs à jouer ça justement. Voilà. Alors, pour la petite anecdote. De vivre le truc. De l'intérieur. Petite anecdote, justement, c'est j'avais des amis africains avec qui j'ai testé le jeu, avec qui j'ai fait des parties. Et notamment, donc, un ami qui, à un moment, fait son personnage. Première fois qu'ils faisaient du jeu de rôle. Et c'est vrai qu'en Afrique, on a une culture de l'oral qui est très, très développée. Donc, pour eux, quand je leur parlais, on va raconter une histoire, on va vivre l'histoire, ça leur paraissait complètement normal. Ils ne voyaient même pas quelle était l'originalité du truc, à la limite. Et donc, à un moment, le mec crée son perso. Et donc il fait un guerrier magicien, mais vachement de détails. Mmh. Ça c'est bon. Le mec, première fois qu'il fait un perso, il trouve déjà des idées, des formes d'armes spécifiques, des types de sorts, des machins. Et donc lui, tiens, c'est vachement bien. Ton truc. Il me dit, là j'ai fait mon grand-père. Hein? Et mon grand-père c'est un guerrier magicien qui est très connu dans la tribu des Dwalak. Et puis il maîtrise tel type d'esprit. Avec l'épée moyenne, il est vachement aiguisé. Donc parce qu'il a un pote qui est armurier et tout ça. Ouais. Et en fait, donc pour lui, c'est contemporain en fait. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. C'est génial. Et donc quand on a fait la partie, un autre ami qui est africain, qui lui aussi nous a fait tout un truc pendant 20 minutes, nous a parlé du gombo, qui est un légume africain, et à un moment il est parti dans son délire de comment il cuisinait le gombo. Alors lui il racontait un truc vrai en fait. Mm. Mais nous les petits toubabs français, on était avec des grands yeux émerveillés parce qu'il nous a fait partir ultra dépaysant quoi. Ultra dépaysant, ouais. C'était génial quoi. Donc donc c'est des petites anecdotes comme ça qui m'ont façonné en fait parce que c'est vrai que depuis l'Occident, quand on entend parler de l'Afrique, on se dit souvent non mais c'est incroyable. Par exemple, notamment la façon dont on parle des Touaregs en ce moment, ouais. Quand on entend dans les médias. Mais en fait, c'est juste des gens qui ont des civilisations totalement différentes de la nôtre. L'idée même d'être sédentaire, c'est privé de liberté. Absolument. Pour eux, c'est une horreur, etc. Ouais. Donc, ce qui est intéressant dans Shan, c'est de découvrir d'autres peuples et d'autres intelligences, d'autres manières de l'intérieur, d'autres manières de penser, voilà. D'autres modes de penser. C'est vraiment ça l'idée, c'est de dire voilà, au travers d'une race en fait, je vais m'approprier des codes, des rituels, des rites et qui vont m'aider dans mon roleplay. Mm. Et après, évidemment, il y a le côté ludique qui rentre en compte, c'est que les modes de vie sont un peu antagonistes. Mais tu vois, c'est pour ça que je t'interrogeais sur cette histoire de race au départ. C'est qu'en fait, je trouve que Shan parle moins de race que de peuplade, d'ethnie, de manière de voir le monde, de ce genre de choses, tu vois. Totalement. Parce que la race, dans l'idée de race, il y a une idée de choses qui seraient génétiques, alors que là, c'est juste une autre vision du monde. Mmh. Alors, ceci dit, c'est vrai qu'il y a des populations... Julien, tu veux ajouter quelque chose ? Dans le côté génétique, c'est quand même assez marqué aussi. Marqué. Voilà, tout à fait. On va peut-être passer justement... À la génétique. pas à la génétique, mais justement aux différentes races, aux différentes espèces et aux différentes peuplades. Et justement, qu'est-ce que... La génétique, leurs sensations différentes, parfois leurs habiletés différentes, comme ceux qui peuvent voler, etc., on va voir avec vous, amènent aussi des manières de voir et de penser différentes. On peut peut-être les passer en revue et puis expliquer à chaque fois la richesse de chaque ethnie, au moins les plus intéressantes, celles dont vous avez envie de parler. Julien, tu veux commencer? Moi, j'aime particulièrement les iguanes, qui sont un... Alors, parle-nous des iguanes. Peuple, moi, je ne connais pas. Un peuple d'hommes lézards. Donc, c'est les... On dit que leurs ancêtres, c'est les Sarènes, justement, une civilisation d'hommes lézards également qui vivait avant les 10 races actuelles sur la planète. Et les iguanes, leur mode de reproduction, déjà, c'est assez calqué sur les termites. Il y a une reine mère qui est souvent cachée, protégée. C'est une espèce d'intelligence de ruche, intelligence collective. Voilà. Un iguane va, en général, il y a des grands tournois, des grands concours qui sont organisés pour savoir qui va chaque avoir le privilège de copuler, d'aller voir la féconder la reine. Exactement. En fait. Et la reine donne naissance à un millier, deux milliers, d'œufs qui vont donner une nouvelle vague de mâles. De génération de. Oui. Ah, c'est génial. Dépaysement déjà total. Et l'idée c'est qu'effectivement du coup l'iguane, la notion de séduction sur un iguane, elle sera déjà forcément biaisée. Parce que pour lui une femme c'est la reine mère. Donc, quand on, au moment où on veut le séduire, où il y a une nana qui vient vers lui et puis qui veut le brancher, déjà, Ligot, il va pas savoir comment réagir. Donc, alors, dans le principe, c'est comme les iguanes sont branchés vachement par rapport au savoir, etc. Maintenant, beaucoup, ils sont intégrés dans la civilisation éocienne. Et donc, du coup, ils savent que, ok, non, effectivement, les autres races, eux, entre elles, peuvent se séduire. Il y a des mâles, des femelles, des hommes, des femmes, tout ça. Donc, en fait, ils se sont renseignés, ils se documentent. Mais du coup, c'est hyper artificiel. C'est que c'est dans le côté... comment ça s'appelle, cette série-là, avec tous les geeks, là. Big Bang Theory. Voilà. Et ben le principe de l'iguane, c'est la copine de Sheldon. Qui canalise tout et qui est là, oui, donc là je vais avoir une réaction sensitive en rapport à l'émanation d'hormones que tu me fais, donc écoute, je suis très content et tu me plais beaucoup, c'est bon, j'ai bon, voilà. Donc, ouais. c'est poussé à l'extrême, mais en gros voilà, c'est que le ça me fait penser à cette espèce dans Mass Effect aussi, je sais pas si tu dois connaître ce jeu là toi, Igor. Mass Effect, je suis pas très branché jeu vidéo, non, je suis qui pas... dit en fait, avant même d'exprimer des choses, ils sont pas capables d'exprimer des sentiments humains, donc ouais. Ils disent avant, par exemple, colérique. Il me semble que vous êtes passé. Ah, c'est pas mal. Triste. Je suis malheureux. Voilà, c'est exactement ça. C'est rigolo. Ils annoncent avant. Ils intellectualisent le truc. Oui. Il y a un peu de ça. Est-ce que tu veux parler d'une autre espèce qui te, Julien, qui te fascine particulièrement? Non, c'est que les iguanes. Non, c'est que les iguanes. Si c'est toi qui as l'initiative de Chan Renaissance et tout ça, et que tu me dis la campagne se passe parmi les sarènes, que t'es fan des iguanes, là, je comprends mieux la cohérence du truc. La campagne s'appelle Sarenei, donc. Les iguanes sont. Au centre du aussi, les arènes de seconde génération. On va découvrir qu'il y a plusieurs petits Juliens qui se baladent. Mais juste pour préciser, c'est pas le seul à l'origine de la Renaissance. Bien sûr, bien c'est vraiment un collectif et plein de une émergence d'idées, de plein de petits œufs que la reine a pondus. Voilà, c'est ça, une vague d'iguanes. D'autres espèces dont vous avez envie de parler? Les nomoi, peut-être. Ah ben voilà. Alors, ils sont bizarres aussi. Hein. Ils commencent par les plus bizarres quand c'est fait. Il y en a plein. Alors les nomoi, ils sont hermaphrodites. Donc c'est un... Alors non, ils sont autopares. Autopares. Ils créent des hermaphrodites, ils sont pas mâles et femelles. Ils sont ni mâles ni femelles. Ouais. Ils pondent des œufs en fait tout seuls. Même, ouais. Alors pour commencer, t'avais les iguanes donc qui étaient des descendants des sarins, tu vois, et les nomoi sont des extraterrestres, enfin des extra-éociens, c'est-à-dire qu'ils viennent d'une autre planète et sont venus s'installer. Mais eux ça s'est mieux passé. Donc tu vois, eux ont déjà une origine différente. Voilà. Oui. D'accord. Ouais. Ou ils ont un autre background déjà en fait. D'accord, ok. Les nomoi. Oui. Donc ils pondent des œufs. Qu'est-ce que ça implique sur leur manière de penser? Un truc important à raconter, c'est qu'en fait, on a 10 éléments dans Charn, parce que Avatar puissance 10, donc 10. Le 10, c'est vraiment un chiffre clé. On joue avec des 10. Enfin, le 10, c'est omniprésent. D'accord. Et en fait, on a 10 éléments. En fait, à la base, moi, j'étais parti sur une symbolique planétaire où on a Mars, Vénus, Pluton, Jupiter, etc. Et donc, de ça, j'en ai tiré des éléments et surtout une symbolique. Mmh. Et que j'ai redéveloppé après récupérant cette symbolique. Et donc, du coup, ça fait... on a le feu, l'eau, la terre, mais associé à chacun des éléments. Et donc, du coup, on a une race par élément, un peuple par élément, une caste par élément, etc. Donc, les nomoi représentent l'élément « moi ». Le moi, c'est un élément. Et comme, voilà. Et donc, il y a un côté autonome. Ils sont, un peu centrés sur eux. Donc, ils pondent des œufs tout seuls. Ils sont branchés sur la magie. Et la magie, c'est vraiment un truc qui agit que sur soi. Donc, ils sont un peu, assez égotiques. Un peu tournés vers eux. Ils ont un peu de mal à partager les choses. Ils ont un peu de mal à, ils sont un peu renfermés sur eux, en fait. Mmh. Voilà. Et ils ont un côté un peu rabat-joie, quelque part. Parce que, eux, c'est Saturne. Donc, c'est le côté, les mecs, ils sont vieux. Ils naissent vieux, quoi. Une race, ils naissent vieux, ils sont déjà chiants. Oh, putain. Et avec un côté un peu zen et minimaliste. Donc, l'art nomoi, par exemple, ça se rapproche un peu du théâtre japonais. Ça dure de 4 heures. Je vous invite vraiment, chers auditeurs, à aller voir en même temps que vous écoutez ce podcast sur Internet le kit d'initiation de Chan qui est très bien fait. Et parmi les pages de ce kit, il y a une page qui s'appelle les races. Et vous pourrez suivre comme ça en direct avec nous les différentes races. Il y a aussi des dessins qui sont effectués de chacune. Et une petite description. Voilà. Je suis en même temps que je t'écoute, Igor, je suis en train de regarder le kit d'initiation. Voilà. Là, c'est Du coup, je vois que les dessins collent parfaitement à la description que tu en fais. C'est ça. C'est que les Nomoy, et les Nomoy, c'est la magie. C'est vraiment eux, ils sont arrivés sur en Éocie en apportant la magie, alors qu'avant les Éociens ne l'avaient pas. Ils avaient d'autres trucs, des rites, des trucs comme ça, mais la magie, ils ne maîtrisaient pas. Et c'est vraiment les Nomoy qui ont appris la magie aux Éociens, quoi. C'est d'accord. Une autre particularité des Nomoy, c'est qu'ils vivent 200 ans. Julien. Ils pondent un œuf à la centième année. Et leur deuxième œuf, quand ils meurent, au bout de 200 ans. Oui, donc, c'est beau. Ils ont c'est vachement trippant. Pour un perso, ça peut. Ouais. C'est ce qui marque. La fin de sa vie. Ce qui marque dans Shan, c'est la poésie qui se dégage des illustrations, des différentes peuplades. Etc. Bon, alors, une peuplade qui m'avait particulièrement marqué, mais je pense que c'est parce qu'elle est très visuelle, c'est les fameux Délions, qui sont le peuple volant d'Éocie. Oui. Tu peux peut-être, qui veut nous en parler, Vincent? Okay, c'était, alors, sur la couverture de la première édition, t'avais un truc, c'est-à-dire que t'avais un ray de lumière qui arrivait pile poil sur cette race. Délions, c'était vraiment la plus iconique. C'était la race qui était mise en avant dans la première édition, clairement. Alors, les Délions, c'est pareil, c'est une race extra-éocienne qui vient d'une autre planète. Ils sont caractérisés. Je ne veux pas dire qu'ils sont à moitié végétaux. En fait, ils se nourrissent par photosynthèse, si tu veux. Oui. J'adorais cette. Vraiment, c'était mon espèce préférée. Alors, les Nomoy se nourrissent de gaz parce qu'ils n'ont pas de bouche en fait. Mmh. Alors, ils peuvent quand même parler, mais ils se nourrissent d'effluves de gaz. Voilà. Une espèce de membrane. On parle quand ils vont dans une auberge, on leur amène des espèces de boîtes de conserve avec du gaz, là où les autres mecs font des ripailles et tout ça. J'ai un copain qui pourrait les nourrir à vie. Hein, ah ben voilà. On en a tous un. Les délions. Parlons des délions. Alors, je vois qu'ils n'ont pas d'yeux non plus, ils n'ont pas d'œil. Non, ils perçoivent tout par leur sens. Oui. En fait, qui leur forme une image mentale en fait des. C'est un sort d'écho radar. Voilà, en gros, c'est ça. C'est un toucher extrapolé, je crois. C'était un super toucher qu'ils avaient, non? C'est ça. En fait, au final, ça revient à une vue classique. En gros, c'est un sonar, mais qui au final, ça fait. C'est un truc très très pointu qui leur permet en même temps de déceler la couleur. Ouais. Comme ça, on se dit, voilà, ils voient et puis basta. Il y aurait d'excellentes questions à se poser là-dessus. Est-ce qu'ils voient vraiment? Oui. Ah, c'est super. Il y a matière vraiment à réfléchir. Des lions, en fait, ils ont aussi des. Oui, bonjour. Ils ont des micropores, en fait, par lesquels ils peuvent envoyer de l'air. D'accord. Et en fait, il y a des petits modulateurs qui leur permettent, du coup, de pouvoir parler. Même s'ils n'ont pas de bouche, ils peuvent quand même parler. Mais surtout, ils peuvent même imiter des sons. Et donc, ça va beaucoup plus loin, c'est qu'un délion musicien peut donc faire de la musique sans avoir d'instrument. Ouais. C'est pour ça qu'ils sont très très pédagogues, parce qu'en fait, quand ils vont apprendre des choses, ils vont imiter des sons, expliquer tout un tas de choses, avec tout un tas d'exemples, et voilà. Donc, leurs enseignements sont souvent très très riches. C'est pour ça que eux, leur domaine de prédilection, c'est le social. Donc, vraiment. Shan, on pourrait passer, je pense, des heures à. Ah, bah oui, on est parti pour. et décrire chacune des races. Chaque race, il y a déjà. Mais d'où est-ce que tu as tiré tout ça? Alors, tu nous as cité un peu tes sources d'inspiration et tu as fait tout ça, mais ça a dû te prendre une chier de temps d'inventer toutes ces. Oui, mais ça a commencé, j'ai commencé tout en fait. Hein, Et au début, tu travaillais seul? Oui. Moi, j'étais tout seul. Moi j'avais 13 ans en fait. Hein, ouais. J'avais 13 ans et puis je faisais partie des gamins un peu geeks dans leur coin. J'ai appris que j'étais geek, mais très très tard en fait. Hein, out il y a quelques années, j'étais là, c'est pour ça, parce que effectivement en classe je jouais bien, j'étais en décalage, voilà, il y avait ce qui m'intéressait n'intéressait pas les autres, et puis très vite le jeu de rôle après c'était foutu, enfin voilà, je parlais de jeu de rôle à des filles, elles me regardaient des grands yeux, je suis là, ça a pas l'air bien quand j'en parle, je sais pas pourquoi, mais comme beaucoup d'entre nous, hein, de toute façon c'est après tu trouves une famille et tu dis c'est le petit canard, c'est qui devient un cygne, et t'es là, en fait c'est ça, j'étais un cygne, je savais pas, un cygne, exactement. Donc, alors, on peut peut-être aussi parler des humains quand même, qui sont une race un peu centrale dans l'univers de Shan. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire des humains? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire des humains? Parce qu'on va pas laisser Igor parler tout seul. Non, mais c'est vrai, moi j'arrête pas. Hein, donc, ça, faut l'arrêter au bout d'un moment. C'est horrible. Les humains, alors. Alors, humains. Vincent, est-ce qu'ils ont... Vincent, les humains, je te sens bien sur les humains. Est-ce qu'ils ont une particularité par rapport à la première édition? Est-ce qu'ils ont changé? Oui. Non, par rapport à leur manière d'être perçus. C'est-à-dire, dans la première édition, les humains, ça représentait le mal, quoi, ouais. On va dire. Ouais. Dans la deuxième édition, les humains, c'est une des 10 races aussi. Mais oui, je vois ça qu'on peut les jouer. Ah ouais, on pouvait pas les jouer dans l'ancienne édition. On pouvait. Ah ouais. Mais on là, on jouait des humains renégats, en gros. Ah ouais, d'accord, voilà. Oui, dans la première édition, t'avais 9 races qui étaient colonisées par les humains, et là maintenant, t'as 10 races qui, alors, on va dire, qui vivent en harmonie. Ah, c'est-à-dire, il y a quand même les anciens colonisateurs parmi eux, mais les humains maintenant sont reconnus comme une des races des aussi. partis. De toute façon, ils peuvent pas partir. Donc, c'est ça. On peut pas les virer. Ils sont là. Donc, on peut en faire avec. Et donc avec toute la symbolique que tu avais fait sur donc le cercle des réalités en fait, ouais. Avec donc tous les éléments qui sont liés, éléments. Ouais, mmh. Les 10 éléments et les humains qui représentent la nécrose, donc les humains sont un mal nécessaire à la planète, de toute façon la nécrose fait partie des éléments. Ouais. Qui préexistait avant les humains en fait, c'est que la nécrose a toujours été perçue chez les Océans, ouais. Cette espèce de mal-être qui, à force d'être tellement un mal-être, fait que du coup on s'intériorise et puis on se renferme sur soi et on développe du coup Excuse-moi, est-ce que c'est un rapproché, tu sais, quand j'entends parler de nécrose et d'humain, je pense tout de suite à Shadowrun, qui est un jeu cyberpunk futuriste, tu connais un peu c'est dans Shadowrun. Lorsque tu t'implantes des mécanismes cybernétiques, je sais pas comment les appeler, des prothèses cybernétiques, voilà, c'est ça. Eh bien, tu perds ce qu'on appelle de l'essence, et au fur et à mesure, tu te nécroses. Tu te cesses de vivre. Il y a de ça. Il y avait ça dans Cyberpunk aussi. Il y a ça. Ils t'ont aussi piqué tes idées. Tout piqué, c'est incroyable. Encore un procès. Encore un procès. Shadowrun, c'était avant d'ailleurs. Ouais, je pensais. Je voulais pas le dire, mais. Je crois. Ouais. Rendons à César ce qui est à. Mais ça revient souvent ce thème-là, quand même. Dans toute la SF des années 50-60, de toute façon, c'est un thème de la déshumanisation par rapport à la technologie, etc. C'est des trucs assez récurrents qu'on retrouve. Carrément. Donc, mais qui était vraiment. Pareil, qui ont été mis en place dans le. Alors, pour l'idée. Igor. Non, alors, on a les morphes en fait, qui sont une des composantes importantes de la civilisation humaine, qui sont des espèces d'êtres qui naissent humains, mais pas dans la bonne case. Donc du coup, on les met dans des espèces de boîtes. Et ça, c'est un truc vraiment horrible en fait. Hein, mais j'ai fait quelques illustrations. À chaque fois, on dit oh mais c'est horrible. Donc je pense pas qu'on va le dessiner. On va juste le laisser en concept. C'est suffisamment abominable pour qu'on laisse en concept. Ce sont des humains en boîte. C'est des humains en boîte, exactement. Mais alors pas que des humains hein, d'ailleurs. Hein, c'est maintenant comme les humains, ils sont avec les Éociens, ils mettent aussi des Éociens. Et en gros, c'est des servomoteurs. Donc c'est une espèce de petits caissons qu'on va nourrir avec des espèces d'implants comme ça. Pardon, bonjour. Avec des implants, et c'est des servomoteurs qui vont servir en gros d'organes directeurs pour la technologie humaine. Donc en gros, on va avoir des engins spatiaux, du matériel, etc. Dans lequel il y aura des petites boîtes qui servent de pilotage de cerveau moteur, sauf que dedans il y a un mec en fait. C'est des processeurs mais avec des vrais mecs dedans. Ben, exactement. Et ça, l'idée m'était venue parce que en Afrique j'ai eu l'hépatite A, qui est pas très grave en fait, c'est la jaunisse, mais j'ai été rapatrié pendant 2 mois à Bégin, un hôpital militaire. Et t'étais dans une caisse. Et j'étais pas dans une caisse, mais j'ai vu des mecs qui était complètement embroché, parce que là t'as quand même des trucs à l'armée c'est quand même pas drôle du tout, et des mecs qui se sentaient dans des mines qui arrivaient des abominations et qui étaient là avec tout un tas de broches qui leur rentraient dans tout le corps et tout ça, et les mecs en plus faisaient ils en déconnaient hein, pour dépasser le truc et surtout j'ai encore le souvenir de deux mecs en fauteuil roulant avec des broches partout qui faisaient des combats de gladiateurs quoi, donc pareil ça m'a marqué, et du coup le coup des morphes qui étaient embrochés dans des caisses et un côté déshumanisé en fait donc ça fait partie de la technologie humaine, c'est un peu glauque, c'est le côté un peu glauque, mais dans le dit c'est que la civilisation humaine est pas propre voilà. Elle est très polluante, elle n'hésitera pas à négliger la vie pour la technologie et pour l'avancée technique. complètement eux ils s'en battent les noix, voilà, un peu comme nous en fait. C'est une caricature de c'est une extrapolation d'une humanité caricaturée. Exactement. Mais qui n'est pas tant caricaturée que ça, parce que, au final, on se rend bien compte que quand on voit les villes des charges qui peuvent exister en Inde ou ailleurs, ou qui récupèrent tout le résidu de technologie et qui sont entassées et qui créent des cités de décharges publiques, et t'as des peuples qui vivent dedans et qui chopent des maladies, mais qui récupèrent des trucs et qui revendent derrière, tu dis, y a un déséquilibre quand même nord-sud là qui est. Allô. C'est ça qui est génial dans Shane, c'est qu'on sent le vécu derrière, la richesse liée à ton vécu personnel et à tout ce que t'as envie d'y dire. Et là, dans ce podcast, ça se ressent vachement. C'est vrai. Je pense que les auditeurs ça va les rendre vraiment curieux de ce jeu. Je pense que tu vois, contrairement à moi, t'es un auteur qui fait une super bonne promotion de son jeu. Ah bon. C'est super bien. Ça fait plaisir de t'entendre de parler de tout ça, c'est vraiment incroyable. Ah bon. Alors, on va parler de quelque chose d'un peu moins sexy, ah oui, peut-être, vrai. Le système. Ah non, il est très sexy le système de jeu. Ah bah c'est parti, vas-y, allez. Vas-y Julien. Alors déjà, on parle du système de la refonte, de la renaissance. Hein. Oui. C'est un autre système par rapport à celui qu'on connaissait dans les années 80. C'était un des gros challenges de cette réédition, parce que c'est le système qui a été principalement critiqué dans la première édition. Ah oui. Alors, c'était la base du regroupement aussi. À la base. C'était dire on va faire un système qui fonctionne. Oui. Alors, à ma décharge, dans le bouquin de base, il y a eu. Parle encore de décharge. Ouais, ça m'obnubile en fait. Hein. J'ai à voir un truc avec ça. Et bien, le système de jeu, je dis clairement hein, dans le truc. En gros, le système, on s'en fout. C'est juste là pour pouvoir lancer des dés. Mais si vous voulez un autre système, n'hésitez pas. Enfin, j'y croyais pas, mon système. Hein, voilà. T'avais accentué le côté roleplay, l'univers. C'est ça qui m'intéressait. Le système de jeu, j'en ai mis un parce qu'il fallait en mettre un. Mais il n'était pas forcément hyper intelligent, bien pensé. Voilà. Donc, c'est que la théorie à ce niveau-là a beaucoup évolué en France. Absolument. Absolument. Et puis entre-temps, bon, on en reviendra. Mais entre-temps, il y a eu des D4. Donc, voilà. Mais vas-y. Alors, Julien. Parle-nous du système. Le système avait ses défauts, mais enfin, moi j'ai toujours joué avec ce système pour la première édition. Bon. Et il y avait quand même de grosses originalités, rien que sur la base corps, âme, esprit. Et c'est vraiment là-dessus qu'on a voulu partir. Virer tout le reste, garder les trines. C'est bien corps, âme, esprit. Déjà, il ne reste plus que ça d'ailleurs. Je me trompe peut-être, Igor, mais j'ai l'impression corps, âme, esprit, les éléments, la trinité élémentaire regroupée comme ça. Tu t'inspires des tarots ou c'est moi ? Alors, en fait, non, ce sont les tarots qui s'inspiraient de moi. Non, on va leur faire un procès. On va leur faire un procès au tarot, quoi. En fait, non, pas les tarots, en fait, c'est plus. L'alchimie, en général. En fait, c'est toute les ésotérismes, en règle générale. Ouais, voilà. J'étais dans une période un peu mystique quand j'étais gamin et. Maintenant, je pense à ça, j'ai beaucoup de distance maintenant. Mais ça fonctionne bien. Mais voilà, c'est que dans l'idée, il y a toute une structure, une ossature symbolique qui fait que du coup, on a effectivement une explication de. Alors, en fait, mon grand kiff à l'époque, c'est de tout expliquer. Expliquer la magie, comment ça marche, mais réellement concrètement, qu'est-ce qui se passe. Et donc, le côté réincarnation aussi. Bah, parce qu'en fait, le corps, âme, l'esprit, en fait, c'est ce qu'on appelle des trines. Ce sont des entités qui vivent chacune dans un monde, un plan parallèle. Et en fait, quand un être vivant naît, en fait, il se fait investir par un trine de corps, un trine d'âme et un trine d'esprit. Et c'est ce qui donne vie, en fait, aux choses. Donc, tout a un trine de corps, d'âme et d'esprit dans le monde. C'était déjà dans le premier système. Dans le premier système, c'était ça. Ouais. C'était la base. C'était la base, en fait. La base de l'univers, parce que toutes ces trines, du coup, sont utilisées après par les magiciens comme énergie magique. C'est utilisé par des élémentalistes comme source aussi d'énergie. Enfin voilà, ce sont à la fois des constituantes du monde, utilisées de façon naturelle par la vie et aussi utilisées par les habitants qui les transforment, les manipulent pour faire des effets magiques, des effets surnaturel. D'accord. Voilà. Pour retrouver dans le système de jeu. Ah, et qu'on retrouve dans le système de jeu. Voilà. Oui. Et donc, du coup, toi, tu es parti de cette base-là, Julien, pour. J'ai l'impression que c'est toi qui t'es chargé. T'es monsieur système de jeu dans Chien de Renaissance ou quoi ? Pareil, hein, c'est plein d'idées, plein de gens qui ont participé, qui ont filé leurs avis, qui ont gribouillé des trucs sur du papier. Enfin, mais il y a le DK System à un moment qui a été développé pour cette édition, qui a été beaucoup développé en fait. Un Chien DK System. Ouais. En fait, on avait. On était arrivé à un système qui tenait à peu près la route, mais qui était encore assez proche de la première édition. Et quand Igor est revenu dans le projet, enfin, a pris corps dans le projet, ramener son âme, il est arrivé avec son corps et son esprit aussi. Hein. Il est arrivé avec l'idée des domaines. Et en fait, à partir de ça, tout a découlé de ça. Chaque trine a trois domaines qui lui correspondent. Donc l'esprit a la technique, le savoir, le social. Encore une fois, hein, prenez votre kit d'initiation et suivez tout ce qui se raconte. Il y a un terreau après. Hein, Donc l'esprit technique, savoir et social. Le nombre parle, sont assez clairs, je pense. Ouais. L'âme, c'est les arts, le shan et la magie. Alors là, par contre, il faudra peut-être s'arrêter. On revient dessus après. Et le corps, c'est les rituels. Donc ça, pareil, il faudra peut-être expliquer un peu. Tout à fait. La survie, ça c'est clair. Et le combat. Clair aussi. Et donc, ça, 3 fois 3, ça fait 9 domaines. Oui. Mmh. C'est bon, bien. Julien, Julien, c'était chaud là. Et en cas dixième, c'est la nécrose. La nécrose. Donc, chacun a une part de nécrose en lui qui est plus ou moins développée et qui caractérise un petit peu son côté sombre. Côté obscur, hein. Mmh. Tout à fait. Alors, on peut peut-être revenir sur les domaines qui vont être un petit peu sujets à interprétation, à mécompréhension. Alors, le châne d'abord, qu'est-ce que c'est ? Ah, vaste sujet. C'est bah, le nom du jeu. C'est le nom du jeu en fait. Ouais. C'est, bah, chacun a sa vision de la chose, mais pour moi, c'est vraiment être en harmonie avec l'environnement, faire. C'est être aware. Ouais, voilà. C'est tu as cité du Jean-Claude Van Damme. Ah, bah, dans je suis dans le texte. Dans ah, Jean-Claude Van Damme. Je me suis chier à retravailler la partie sur le chat. En fait, c'est être aware. C'est simple en fait. Et non, donc. C'est. Une grosse connaissance aussi de tout ce qui est flutrinique, justement, toutes les énergies qui composent les êtres, pouvoir communiquer avec elles. Il y a un côté un peu Star Wars, la force aussi qui nous entoure, nous connaît, Ouais. Et puis le côté aussi empathie. Être vraiment en empathie avec les gens, mais avec aussi les animaux, les végétaux, les minéraux, voilà. Donc ouais, finalement, c'est plus proche du bouddhisme que de la force. Absolument. Ouais. En fait, et en fait, la force est proche du bouddhisme. Et en fait, un truc pareil, c'est le genre de. On va lui faire un procès. Oui. Il y a un truc dont je me suis aperçu plus tard, en fait, c'est que Shahan, le nom du jeu, il y a un mot qui existe qui s'appelle Shan. Qui est chinois, qui veut dire montagne, et qui est en fait le dérivé du bouddhisme, qui correspond en fait un peu à ce genre d'attitude, de non-pensée, etc. Donc voilà, il y a plein de petites correspondances après comme ça qui se sont faites sans le vouloir, mais qui après tu dis ah ouais bah c'est cool, bah non, c'est fait exprès, mais en fait c'est pas fait exprès, mais en fait il y a plein de choses qui se sont révélées comme ça, ouais, c'était rigolo. Ah non, c'est passionnant. Shan, alors donc pourquoi le titre du jeu? Dans ce domaine, enfin, pourquoi donner à ce jeu ce titre ? En dehors de ça, c'est vraiment central le Shan dans le jeu. Il y a... Bah en fait oui, parce que le Shan c'est vraiment une attitude en fait. C'est une attitude de le côté. Alors parce qu'il y a des préceptes shahaniques qui sont ne pas tuer, ne pas mentir, ne pas voler, ne pas être avare dans le transmission du Shan, etc. Ne pas tenir de propos erronés, tout ça. Et ça va contraindre le joueur dans sa le dans shahaniste. Son roleplay, dans sa manière, alors, de ses stratégies oui, de jeu. Oui. C'est en fait on a une caste qui s'appelle les shahanistes et qui en fait qui ont des accès à des pouvoirs, des choses comme ça. Mais qui ont une espèce de manière d'être qui est effectivement là, voilà, ne pas mentir, ne pas voler, etc. Et donc en roleplay, bah, c'est rigolo parce que ben, ça donne des situations un peu cocasses, ça donne souvent des choses un peu en décalage entre le. Quand il y a un groupe, on a un gros guerrier qui tape sur tout ce qui bouge, et puis le mec derrière qui est là, mais non, en fait, tu sais que tu devrais pas. Enfin voilà, ça, pareil, tout est sujet à créer des situations rigolotes, de roleplay, de cocasse, quiproquo. Et donc dans le Chinese, en gros, le pouvoir, c'est de pouvoir influencer la chance, les lignes causales. Absolument. En fait, ce matin, quand tu t'es réveillé, t'as oublié ton arme. T'en es pas aperçu et au moment de dégainer, elle n'est plus dans ta main. C'est jouer entre le hasard et la nécessité. Ouais, c'est ça. C'est tout ce jeu-là qui s'entremêle en fait et qui est rigolo. Et alors là, en plus, dans la première édition, j'étais encore, il y avait encore des résidus de mysticisme qui étaient un peu forts, qu'on m'a reproché un peu aussi. Mais bon, j'assume, hein, j'assume tout. Là maintenant, on l'a mis au même rang que le reste. Donc le niveau du système de jeu, on a tout mis avec le même système, c'est que les pouvoirs de culte élémentaire donc par rapport aux élémentalistes, c'est le même système de jeu que la magie, que le shan, que le combat, que les arts, etc. C'est le même système pour l'ensemble. Alors que la première édition, chacun avait un peu son système de jeu, c'était beaucoup plus éclaté et du coup plus moins évident à appréhender en fait. On peut parler des rituels, qui sont dans un autre domaine. Ouais. Julien. Les rituels, c'est un truc très physique, donc ça dépend du corps, et c'est la faculté de s'approprier c'est plutôt des énergies élémentaires, donc pareil. L'eau, le feu, voilà. Ouais, le moi, l'autre, les limbes, tout ça, ce sont les 10 éléments en fait. Tu peux peut-être nous les citer ces 10 éléments, parce qu'ils sont originaux quand même. On ne s'attend alors, pas. Alors il y a les premiers qui sont classiques, c'est eau, air, terre, feu, ça c'est fait. Après on a objet. Après on a moi. Le moi, c'est-à-dire que nous-mêmes, on est un élément. On a l'autre, c'est que quelqu'un d'autre est un élément aussi. On a le végétal. Attention à ton micro parce pardon, que le voilà, micro est le un micro élément est un du élément, podcast. Voilà, c'est l'objet, c'est l'objet. le végétal, l'animal et puis les limbes. Voilà. Donc on a ces 10 éléments et à chaque élément correspond une race. Les Darken par exemple, c'est le feu. Les Kelwid, c'est l'objet. Les iguanes, c'est le végétal. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ces objets, ces éléments vont servir aussi de couleur dans la création de l'univers. Absolument. C'est que en plus, l'autre et le moi comme élément, c'est super fin ça. C'est vraiment malin. Et dans l'idée, c'est que à chaque élément correspond une couleur. Il y a un énorme tableau de correspondance en fait, ça qui m'a vraiment éclaté, où on a une correspondance entre tous les éléments avec couleur, organe vital, race, peuple, point cardinal, etc. Pièce d'une maison. Enfin voilà, mais ça va très très très très loin. Il y a une vingtaine de champs à peu près et qui permettent du coup de que tout soit lié, cohérent et dans le monde les éociens pour eux ces éléments, cette espèce de culte élémentaire façonnent leur manière de penser. Mmh. Donc par exemple voilà, ça leur viendrait pas l'idée. Espèce de feng shui. Exactement, c'est exactement ça. Ouais. Exactement ça, voilà. Alors, les rituels, et puis tu voulais nous parler de la nécrose aussi, Julien, tout à l'heure. Tu disais que ça nécessitait peut-être de s'arrêter dessus, non C'est un cas à part, ouais. Oui, tout à fait. C'est, il ne dépend d'aucun trine, si ce n'est que plus on a en nécrose, moins on a en âme. Et là, on a voulu quand même qu'on puisse jouer un perso un peu crade, oui. Que ça se traduise en termes de jeu. Car la nécrose donne accès à tout un tas parce que dans chaque domaine il y a des spécialisations qui vont définir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec tel domaine. Yes. Et la nécrose va concerner déjà tout ce qui est technologique sale, donc tout ce qui est biomorphie, la science des morphes. Dont parlait Igor tout à l'heure, de mettre des gens en boîte. C'est ça. Toutes les armes à feu, les explosifs, mais aussi la corruption. Le pacte nécrotique, donc ça va concerner toute la magie. Des limbes. Ouais, le pactiser avec des monstres. Dans la nécrose, il y a un petit côté Cronenberg aussi, vous savez. Dans les films de Cronenberg, il y a toujours ce mélange entre la machine et la chair. C'est exactement ça. Oui, complètement. D'accord. Le côté de l'arsin, donc voler, tout ça, c'est dans la nécrose en fait. Contrebande, donc, corruption. Voilà. Donc il y a un côté un peu bisounours quand même dans le jeu, c'est que voler c'est mal, voilà, mais bon, c'est assumé. Quoique, ce qu'on a voulu faire aussi avec ce système-là, c'est qu'on peut faire la même chose de plusieurs façons. Oui. C'est-à-dire que voler, par exemple, on peut faire un jet de nécrose plus larcin, mais on peut aussi faire un jet de art plus trucage. Donc ça sera plus de la prestidigitation. Selon les compétences. Alors, absolument. Qui choisit alors, bon, on va rentrer dans la technique, là, un petit peu. Justement, donc il y a un meneur de jeu, déjà. Il y a des joueurs, donc c'est du jeu de rôle traditionnel, classique. Qui choisit les jets qui sont effectués? Est-ce que c'est le meneur qui dit « tu me fais un jet de ça » ou non, au contraire, c'est plutôt le joueur qui va essayer de composer avec sa fiche? Apparemment, ce que tu avais l'air de dire, Julien, c'est que c'est le joueur qui choisit un peu comment il compose. En fait, le meneur va décrire... une situation. Une situation. Il peut donner le choix lui-même. Vous pouvez faire ça. Plutôt un jet de perception sera plutôt du Shan, intuition ou de la survie, vigilance. Mais le joueur peut également négocier. Proposer... Sa façon de faire les choses. Et en fonction de la description de ce que va faire le joueur, le maître du jeu va dire « Ok, bon, ce que tu me dis là, c'est plutôt approprié à tel jet ou tel jet. » Et un joueur intelligent va faire des descriptions en fonction des avantages de son personnage, évidemment. D'accord. C'est qu'il va se dire « Le mec qui est fort en Shan, il aura tendance un peu à tout ramener à dans l'apathie, sentir le truc, la chance. » Il y a des moments où ça va passer. Évidemment, le maître du jeu sera là « Oh, là non. » Ma gueule. Là, ça c'est pas non, pas du tout. C'est de la corruption, faut assumer. Voilà. Donc, mais c'est ça qui est rigolo, cette espèce d'échange entre solliciter la créativité du joueur, qui va devoir optimiser son personnage et puis du coup le transcender et puis essayer de trouver à chaque fois la manière d'utiliser ce personnage au mieux pour les situations proposées par le maître du jeu. Et puis le maître du jeu qui lui, après, en fonction des situations, va dire ok, donc tu me fais un jet sous bidule avec bidule et puis voilà. Et ça se règle comme ça. Donc en fait, c'est comme ça dans le jeu que se traduisent les différents esprits des peuplades environnantes finalement. C'est par les compétences propres à chaque peuplade ces compétences vont amener les joueurs à faire des descriptions dans tel sens. C'est comme ça qu'ils vont se retrouver un peu par le système de résolution contraints de jouer au mieux leur personnage ou est-ce qu'il y a d'autres mécanismes ? Absolument. Bah, comment est-ce que le système nous invite à explorer cette histoire d'ethnie, d'espèce, de peuplade, de différence ? Bah, y a le fait que, déjà, il y a le fait que la nécrose, c'est la voie facile, quoi, si tu veux. C'est-à-dire que voilà, voler en utilisant la nécrose, c'est facile, c'est l'idée à laquelle tout le monde va penser de prime abord. Si tu veux pas que ton score de nécrose explose, donc ton personnage passe de l'autre côté, il va falloir que tu trouves d'autres solutions et que tu fasses un peu marcher ton imagination pour être un peu plus inventif. Ouais. Ça encourage vraiment la créativité, en fait. C'est vraiment ça un des maîtres mots de cette nouvelle édition. Encourager la créativité des joueurs. Donc j'imagine que la magie, elle est en intuitive. Il n'y a pas d'une liste énorme de sorts, par exemple. Ah, bah, en fait, si. Si, là, pour le coup, si. Parce que, la magie de la première édition était un peu barrée dans le sens où, finalement, c'était un Lego. On avait des petites briques. Oui, je me souviens, c'était un des points, c'est justement, je voulais en parler. C'était un des points forts. Vous l'avez viré, ouais. Ça? Alors, en fait, on va le mettre en option. C'est que à la base, tel que c'était, ça faisait peur quand même. Il y a... Non, c'est génial. Oui, mais pour certaines personnes, mais les gens normaux, en fait, non. D'accord. Ça leur fait peur. Non, je suis un peu paranormal. Les gens normaux, c'était assez complexe quand même à mettre en œuvre. Je viens de parler d'un mec qui avait un fichier Excel carrément pour pouvoir gérer ses sorts et tout. Il y a un moment, ça n'a plus de sens, en fait. D'accord. Donc, mais on va le garder en option. Ah oui, là, tu me fais peur. Non, on va le garder. Mais par contre, on a quand même rationalisé la magie avec des pouvoirs, mais au même titre que les combattants ont des pouvoirs, au même titre que on a rationalisé ça sur l'ensemble. Et dans une extension, on mettra quand même la magie des chèmes avec une façon de pouvoir créer ses propres sorts qui restera. Mais ça sera une option. Ça sera plus le truc obligatoire, genre toi tu joues quoi, un magicien? Oh zut, voilà. Là maintenant, on peut voir, ça reste fun de jouer un magicien, par exemple. Voilà. D'accord. Tu voulais ajouter quelque chose, Julien, tout à l'heure? Excuse-moi, je te passe une patate chaude. Par rapport à comment les races, les peuples, oui, les voilà, chats, c'est ça, définissent. Ouais. Comment est-ce que le système invite les joueurs autour de la table à jouer les différentes contraintes morales, ethniques, etc. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Donc c'est toujours sur la symbolique. Chaque race, il y a 10 races, 10 domaines, 10 peuples, 10 domaines. Chaque race, chaque peuple, chaque caste. À un domaine de prédilection. D'accord. Et la création de perso va inciter, à partir du moment où tu choisis ta race, ton peuple, ta caste, déjà tu as quasiment 80% de ton perso qui est fait. Oui. Tu choisis aussi un peu par là même ton historique, les valeurs auxquelles tu tiens. Oui, exactement. Tu as déjà plein d'influences qui sont rien que comprises là-dedans. Quoi. Donc, donc c'est ce que je suis, d'où je viens et ce que je fais. Yes. Et ça va déterminer à la création les domaines forts. Donc chacun donne soit un domaine à 5, soit si on a déjà un domaine à 5, on va donner plus 1 dans le domaine. Après c'est aux joueurs de faire le reste, quoi. C'est vraiment la base. Après, on le customiserait. Ouais. Tu rajoutes des petits bonus où tu veux, tu t'augmentes les domaines que tu veux. Enfin voilà. C'est... Même dans l'évolution plus tard avec les points d'expérience. C'est, voilà. Tu façonnes le personnage comme tu veux. Mais d'ailleurs, sur le site internet, on a un système de création de personnages qu'on a développé et qui bien équilibré et permet vraiment parfaitement de créer un personnage très facilement et très rapidement. Surtout, il y a même une fonction aléatoire qui permet de générer un personnage automatiquement en une seconde. Quoi. D'accord. Mais c'est un peu dommage, je trouve. Parce que du coup, le jeu est fourmille tellement de valeurs, de contraintes, de réflexions morales, de problématiques ethniques, que ce serait vraiment dommage pour un joueur de choisir au pif. Ah ben, les deux sont valables. Les deux sont valables parce que tu peux très bien ne pas avoir le temps de créer ton perso et t'as une partie qui s'improvise. Tu fais avec ce qu'on te donne et au contraire c'est rigolo d'optimiser. À la limite c'est un côté level dans le joueur. De devoir composer avec un personnage qu'on lui impose, casser subtilité, d'en dégager des combos, d'en dégager tout un tas de choses et faire avec, c'est une manière de jouer. Après, on peut aussi avoir le plaisir de prendre son perso, point par point, décider des choses et tout ça. Mais c'est les deux coexistent, en fait. C'est bien de pouvoir faire les deux. Vincent, tu voulais ajouter quelque chose? Je disais, sur le site internet, pour le meneur de jeu, c'est un générateur de PNJ. Absolument. Tu rencontres quelqu'un, tu cliques, t'as déjà quelqu'un. Ouais. Et ça va plus loin. Tu cliques et t'as la feuille de perso qui se génère automatiquement, que tu peux imprimer. Juste un autre point là-dessus, c'est que aussi ça peut donner des idées, en fait, parce que des fois ça donne des combinaisons auxquelles tu n'aurais pas pensé. Complètement. Ah, il y a quelque chose quand même qui me marque sur les feuilles de personnages prétirées que j'ai sous les yeux, là, parce que j'ai le classeur de Julien dans les mains. C'est que, Alors, il y a beaucoup de choses intéressantes que j'aurais, moi, en tant que joueur, envie de creuser, mais qui ne sont pas sur l'affiche. Par exemple, les valeurs, les préceptes. C'est au verso, ça. Ah, d'accord. C'est écrit ça au verso. Mais il n'y a pas de verso. Là, c'est que pour le kit. C'est que pour le kit. Donc, on essaie vraiment de concentrer 300 pages en 16. D'accord, ok. Et sur l'affiche de personnage, est-ce que quand même les valeurs et les différentes ethnies ont un impact? Oui, sur les domaines, en fait. C'est ça? Oui. Enfin, c'est pas vraiment les valeurs, c'est la culture. Tu voulais pas, dans ton système, aller plus loin, les mettre un peu plus en avant? Je prends, par exemple, un exemple de ce qui se fait récemment dans cette trempe-là, c'est, par exemple, un jeu comme Théocalie, qui n'est pas exempt de défaut, ceci dit, mais qui a vraiment intégré un système de tabous. C'est-à-dire que les différents peuples ont des tabous qui ne peuvent pas dépasser, et ceux-ci sont sur la fiche de personnage et constitutifs des personnages. Ce qu'on a, c'est plus par rapport à... l'idée, c'est de rester le plus libre possible. Ça, c'est un truc auquel je tiens vraiment, c'est que si on veut se mettre en place des entraves, on peut. Parce que, par exemple, tu as des cultes. Quand tu es élémentaliste, par exemple, et que tu suis vraiment une voie d'un culte, là, tu as des dogmes. Effectivement, tu as des trucs à faire, des trucs à pas faire. Voilà. Quand tu joues une race, c'est pas que t'as pas des trucs à pas faire, c'est plus des trucs à faire. Parce qu'effectivement, le nomoï, de façon que va avoir le nomoï de bouffer, déjà, tu vas t'encourager à faire des choses, à chercher des trucs. Donc c'est plus des t'encourager à faire des choses plutôt que de t'interdire à faire des choses. C'est plus ça l'idée. En fait, Julien, dans l'idée, dans la création de personnages, j'ai aussi un système de motivation. Qui sera sur les fiches, là, qui n'est pas encore, qui dépend. On a accès aux motivations des domaines dans lesquels on est. Ça, c'est capital, Julien. Parce que moi, de l'extérieur, comme ça, je regarde le jeu, je rencontre Igor, il me vend son jeu, il me dit c'est un truc sur où on exporte des ethnies, les structures mentales sont différentes, etc. Je regarde la fiche, c'est une fiche en fait avec des compétences assez classiques. Sur le kit, bien sûr, mais la vraie fiche du personnage, il y a beaucoup de place pour pouvoir s'étendre effectivement entre motivation et puis même background, tout simplement. C'est que dans l'idée, c'est que là, ce qu'on voit, c'est que les chiffres. Mais de ces chiffres-là, tu peux très très facilement déduire après une histoire, enfin tout un tas de choses qui découlent des chiffres, en fait. Parce qu'en fait, par exemple, pour un jeu comme Shan, moi, ce que j'avais imaginé, en fait, quand on m'a dit refondre le système, c'était plutôt un système de traits. Par exemple, je suis attaché à la nature, ou je suis... C'est le domaine. Et ensuite, tac, ça rejaillissait sur les domaines. C'est ce que vous voulez c'est faire. C'est ce qu'on a déjà, c'est que d'accord. Dès l'instant où, effectivement, les iguanes sont liés au savoir, le savoir, donc c'est le végétal, ça induit déjà tout un tas de d'images et de choses, alors que le Darken va être lié au combat. Donc, tout de suite, de base, il y a un fossé qui se sépare. Alors après, on peut très bien imaginer faire des contre-emplois. C'est qu'on a les races qui ont des archétypes, mais après, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un Darken qui est fort en combat, mais lui qui va être vouloir être un artiste. Et donc du coup, qui va du coup utiliser ce qu'il est lui en tant qu'Darken, mais utiliser les arts. Donc peut-être qu'il va faire des côtés art du feu, qu'il va plutôt faire une comédie, mais un peu tonitruante. Voilà, c'est comment chaque race va imprimer après les différents domaines. C'est ces combinaisons qui sont intéressantes en fait. Excuse-moi, Igor. C'est d'avoir on a des domaines et des races archétypaux. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est de casser les archétypes. Voilà. C'est ce que tu proposais déjà dans la première phase. Voilà. Mais c'est ce qu'on a là dans ce système-là, c'est qu'en gros, la motivation et les backgrounds viennent simplement d'un instant où, on a un feeling qui normalement son truc c'est le Shahan, et puis on lui met plein en nécrose. Déjà, ça raconte une histoire. Ou alors on a un feeling qui est à fond branché savoir, donc érudit, etc. Rien que ça raconte une histoire aussi. Je maintiens que c'est pas le système qui raconte ton histoire là, Igor. Je pense que c'est vraiment ton histoire qui raconte l'histoire. Tu vois, c'est l'univers autour. Il faut quand même savoir ce que c'est qu'un feeling et savoir ce que c'est que la nécrose. Ah, bien sûr. Et le système ne permet pas d'entrée de jeu pour quelqu'un qui connaît pas l'univers de l'explorer. Tu vois ce que je veux dire? Il faut quand même connaître l'univers. Et on joue dans la couleur de l'univers que tu as. Absolument. Mais en fait, le système va te permettre au départ de jouer les archétypes. Facilement. Ouais. Et après, avec l'expérience, tu vas t'amuser à casser ces archétypes. Voilà, c'est ça. Pour justement aller plus loin et créer des choses, en fait. D'où d'ailleurs la création de persos aussi en aléatoire qui peut créer absolument des histoires rocambolesques auxquelles on n'a pas pensé. Exactement. Etc. De façon à ne pas rester uniquement dans l'archétype. Exactement. Parce que toi, justement, ce que tu veux, c'est fuir les caricatures. Absolument. Et développer. Exactement. Une vraie réflexion sur ces ethnies. Tout à fait. Julien, tu parlais des motivations tout à l'heure, tu m'intéresses là. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu rapidement au micro? Ce qu'on dit aussi, c'est que chaque En fait, un personnage démarre avec basiquement trois motivations. Chaque domaine va ouvrir un champ de motivation. Donc le combat, ça va être trouver l'arme ultime. Le savoir, ça va être écrire un super bouquin, refonder l'encyclopédie Ossienne, par exemple. Ces motivations vont structurer les personnages dans leurs objectifs. Exactement. Ça va donner des motivations de jeu, effectivement, de dire je crée un perso et maintenant qu'est-ce qu'il a envie de faire ? Bah voilà, il a envie de faire ça. Et ça suffit pour qu'il puisse justifier n'importe quel départ en aventure, parce que les motivations sont là pour justifier les choses, quoi. Les actes. Okay. Et ça va pas créer des tensions autour de la table, le fait que certains soient motivés à écrire un bouquin, tandis que l'autre soit motivé à tuer tous les intellectuels, par exemple, qui fréquentent cette planète. Mais c'est ce qui crée les interactions dans un groupe, justement. C'est ce que tu veux, en fait. C'est l'idée, à chaque fois. C'est que c'est toujours beaucoup, tout est orienté roleplay après, à la fin, parce que on a toute une base technique, mais qui engendre après des mécaniques ludiques qui font finalement après que les joueurs vont être amenés en jouant le personnage, à entrer en interaction avec les autres et à créer des choses. Mais après, on peut imaginer aussi que dans un groupe où effectivement on a un gros guerrier qui veut devenir le plus grand guerrier et puis l'érudit qui veut écrire le plus grand livre, bah il y a un moment où l'érudit va aider le guerrier à devenir le plus grand guerrier et inversement. Et c'est encouragé par le système, ça. Est-ce que c'est récompensé? Par exemple, tu gagnes des pecs quand tu. Ah bah clairement, bien sûr. Je crois aussi que c'est là où il faut parler du système du Shani. Ah oui. Alors, c'est le bon moment. Maintenant, Julien, c'est maintenant. Vas-y. Non, le Shan est résolument coopératif comme jeu. Oui, c'est un jeu coopératif. Alors là, le jeu de rôle, c'est un jeu coopératif quand même. Hein. faut quand même pas. Mais Shan l'est encore plus, parce que c'est clairement intégré dans les règles. Il encourage la coopération. Complètement. Et l'union entre les peuples. Oui. Bon, ça n'empêche pas de mettre un petit traître au milieu. Oui. Ce qui est toujours plaisant. Alors, le Shan. Mais le Shani, oui, on a. Bah, c'était déjà existant dans, la base, première édition. Il n'y avait pas de règles associées. Enfin, pas vraiment. Ouais, c'était comme d'hab, c'était des règles. On a développé un petit peu ça. Il l'a dit. Et donc là, maintenant, on a alors, vraiment. Quel est le principe du Shani? Donc, c'était un des nouveaux moyens de lutte qui s'est très développé, du coup, avec la seconde édition. C'est des gens qui s'unissent autour d'un même objectif, d'une même façon de voir la vie, d'agir en est aussi. C'est un groupe de joueurs, en fait. Hein. Voilà. C'est un groupe de joueurs qui mettent leurs intérêts en commun. D'accord. Donc il y a quelques règles qui définissent le Shani. Il est composé au minimum de 3 personnes, une souche, donc avec un personnage qui va représenter le corps, l'âme et l'esprit. Ça, c'est génial. Hein. Au maximum, il y aura 10 personnes dans le Shani. Et chaque, en plus de la souche, même les souches peuvent constituer un pilier du Shani. C'est-à-dire, moi, je suis. Ma spécialité, c'est les arts, donc je vais être l'art du Shani. Chacun, comme ça, va donner son score de domaine au Shani et va définir les caractéristiques du Shani. Ça devient un personnage, en fait. C'est que le groupe devient un personnage. Je vais pas mentir. Et on peut jouer soit en mode chacun joue son perso, soit en mode Shani. On joue le Shani. Ce qui permet de régler des problèmes de combat de masse, par exemple, où tu vas te faire t'affronter une armée contre une autre armée, ou un groupe de 10 personnes contre un groupe de 7 personnes. Tu prends les caractères des deux armées et tu les fais s'affronter comme si c'était un personnage contre un personnage, et tu gagnes beaucoup, beaucoup de temps. D'accord. Et après, il y a tout un tas de règles, ça reste assez simple quand même, mais il y a des règles qui viennent. Contrairement à un personnage, par exemple, un Shani va pouvoir faire 3 actions en un tour. Une action physique, une action d'âme, une action d'esprit. Ouais. Pour représenter le fait que le groupe est constitué de plusieurs personnes. Donc il agit sur plusieurs plans différents en même temps. Attention à ton micro. Oui, pardon. Et pareil, il y a tout un système de pouvoir de groupe ensuite qui va pouvoir être développé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la souche achète un pouvoir de groupe, les autres membres vont pouvoir l'acheter. En bénéficier. Et ça va leur fournir tout un tas de pouvoirs de communication à distance entre les membres du Shani. Ça commence par du langage secret, par exemple, un langage que personne d'autre que ce groupe-là ne peut comprendre. Mais ça va très loin après sur. Donc c'est. Ça veut dire que clairement la matérialisation où en fait on les personnages qui se connaissent tellement bien entre eux que s'il y a un de leurs contre qui est séparé d'eux qui se retrouve en prison, ils le connaissent tellement bien, ils connaissent l'équipement qu'il a, que ensemble ils vont se concentrer et pouvoir matérialiser de l'équipement à distance pour ce gars-là, donc le gros guerrier d'Arkane, par exemple, qui se retrouve en prison, eh bien, il va y avoir son épée qui sera matérialisée sous forme un peu ectoplasmique, mais qui va du coup pouvoir bénéficier de son équipement alors qu'il ne l'a plus. C'est le genre de choses comme ça qui peuvent être assez rigolotes. C'est la manifestation magique de l'union fait la force. Ah, absolument, ouais. Exactement. La concrétisation. Voilà, ouais. Exactement. D'accord. Quelles sont les problématiques que tu as envie de voir les meneurs et les joueurs aborder en jouant à Shan ? Quel genre de trucs tu as envie d'explorer ? Est-ce que c'est le racisme ou au contraire la guerre totale ? Parce qu'en fait, c'est marrant, tu nous parles de confrontation de masse. Il va y avoir de grandes guerres dans votre campagne là, ou... Oui. Il y a des grands mouvements de. Ah, en fait, quand il y a des les humains, les Éociens ont gagné, mais les humains de par leurs actions ont quand même permis beaucoup à la nécrose de se développer. D'accord. Et donc du coup, il y a pas mal d'empires nécrosiens qui ont fleuri en Éocie, ce qu'il n'y avait pas avant. Donc ça va être le problème en fait. C'est un des problèmes. Voilà. C'est un des problèmes, c'est que les nécrosiens qui avant étaient un peu disséminés et qui n'étaient pas forcément unis, là du coup peuvent mettre en place des vraies menaces. Et il se dit même qu'une grande guerre se prépare. Donc en fait voilà, les joueurs jouent dans un contexte où effectivement on a gagné, mais oh là là, la paix n'est pas instaurée. Enfin une paix précaire, et on se rend compte qu'il y a des choses pas très très cool qui vont arriver. Donc on a vraiment intérêt à équilibrer un peu tout ça, à mettre un peu d'harmonie un peu partout autour de nous, pour essayer de limiter la casse, quoi. D'accord. Et puis on a gagné, Vincent. Mais on a perdu. Oui. C'est-à-dire que Vincent, vas-y. Dans la première édition, voilà, les Éociens étaient des esclaves oppressés par les êtres humains. Bon, là, il y a eu une révolution, ils ont récupéré leur liberté, et donc eux ont gardé leur liberté, et les humains ont gardé toute leur propriété, en fait. Donc dans la nouvelle édition, les humains n'ont plus de pouvoir politique, mais ont un pouvoir financier très fort. D'accord. Ils ont les industries, ils emploient. Ou pas. Oui. C'est-à-dire que maintenant, il faut payer les anciens esclaves, il n'y a plus de travail pour tout le monde, quoi. Donc il y a du chômage. Ça me fait penser, vous vous souvenez pas de ce jeu vidéo, l'Odyssée d'Abe ? Oui. Tu te souviens de ça, Vincent ? Je me souviens de ça. C'était un petit extraterrestre qui devait échapper à une usine humaine de création de nourriture. Parce qu'il découvre en fait du jour au lendemain. Donc c'est un extraterrestre qui bosse pour des humains, qui découvre du jour au lendemain que c'est en fait il bosse pour une race extraterrestre, je crois. Une autre race extraterrestre. Et il découvre qu'en fait c'est sa race qu'on est en train de mettre en boîte. Et il cherche à s'enfuir. C'était absolument génial. Ça c'était plus la première édition. Il y en a encore un peu dans la deuxième. Ouais, maintenant on n'a plus le droit de les tuer. Sur des chiffres de plaies. Oui. Et donc les humains ont amené avec eux un âge de ténèbres, et puis maintenant ont surtout amené leur culture qui est beaucoup basée sur la consommation. C'est des marchands de rêve en fait. Ouais. On dit maintenant aux Éociens, c'est chiant d'avoir des esclaves en fait. Donc c'est mieux que ces gens-là en fait se confortent dans leur position, qu'ils aillent travailler tous les jours pour acheter ce qu'on leur dit d'acheter, tu vois. Voilà. Et qu'ils aient une de penser par eux-mêmes. En fait, voilà, c'est ça. T'es en train de nous décrire la société moderne. Ça a été le principe de base. La première édition, il revenait de son service et de l'Afrique, et puis 20 ans plus tard, on fait la deuxième, et du coup, tu regardes un peu ce qui est devenu la société. Et là maintenant, c'est des banques qui gouvernent, et puis nous, on n'a pas de raison de se révolter puisqu'on est heureux. Donc, comme tout le monde nous dit qu'on est heureux, on est heureux alors, c'est super, on est heureux, mais non. Donc voilà, ça c'est aussi une des problématiques que tu as envie d'aborder avec Shan, la critique de la société de consommation moderne. Ouvertement. Ouais. Ouvertement. C'est, et du, c'est... de l'impérialisme américain, en fait. Ouvertement, c'est clairement. Américain, nord. Non, Amérique, oui. C'est... Enfin, je veux dire occidental. Occidental, absolument. Alors, Vincent, Ce qui est pas mal dans ce nouveau système, c'est que, alors, quelque part, c'est plus facile parce que les personnages sont libres, du coup. Donc, par rapport à la première édition, tu peux faire plus de choses. Tout à l'heure, tu parlais de toute cette richesse, mais ce qui était bien, c'est que tu l'avais bridé toi-même, tu vois, en faisant des parcs où les races pouvaient pas se mélanger et tout. Donc là, maintenant, c'est bon, ils peuvent se mélanger. On peut voyager à travers les aussi, sans risquer de se faire abattre par le premier humain qui passe et tout. C'est aussi grâce à ça qu'on va pouvoir casser les archétypes, justement. Voilà, d'autant plus, oui. Dans la première édition, quand tu amenais tes joueurs à entrer en résistance, finalement, c'était assez facile, quoi, de convaincre les gens que les humains, c'est le mal, ils nous oppressent, on est leurs esclaves. Bon, dans la deuxième édition, quand tu leur dis que les humains, c'est le mal, ils sont là, ils t'oppressent, on te dit, écoute, c'est pas si mal, quoi. Bon, il y a 20 ans, on était des esclaves, tu nous fais un peu chier, quoi, là, c'est bon. Ouais, c'est facile, c'est plus, ça va être plus difficile. Ça va être, à mon avis, beaucoup plus difficile, ouais, maintenant. Parce que du coup, t'as plus de pouvoir fort auquel t'en prendre. Les chaînes des esclaves ne sont plus visibles, en fait. Voilà, c'est exactement. Mais par contre, les chaînes de télé sont bien développées. Ah. La nouvelle édition, c'est. Le réseau s'est étendu. Le réseau s'est étendu, c'est-à-dire que t'avais un réseau dans la première édition, Arpège, donc qui connectait les grandes parties de l'Éocie. 20 ans plus tard, tout le continent est connecté. Tout le monde a une console chez soi, donc une sorte de télé. Interactive, sur lequel tu peux regarder à peu près tout ce que tu veux, quoi. Chat, ouais. Annie TV, oui. la chaîne du téléachat. Oui. Le truc aussi, c'est que par exemple, la caste des artistes qui elle bénéficie bien de cette nouvelle organisation, puisque donc on a des artistes éociens, notamment les humoristes. Qui du coup ont réussi à se faire sponsoriser par des grandes familles et sont utilisés pour pouvoir vanner un peu les dirigeants d'autres grandes familles, et donc t'as une espèce de lutte comme ça qui se font à coup de vanne, d'humour, et où tout de suite t'as les actions d'entreprises qui dégringolent si le mec s'est fait ridiculiser, du coup les mecs sont paniqués, donc il y a une espèce de renouveau comme ça qui est assez rigolo. C'est marrant, Shane a évolué 20 ans après. Exact. Enfin, avec aussi son temps et avec la société réelle. Absolument, en fait. C'est ça lié. Donc, du coup, tes propos, Igor, ont changé parce que la société a changé. Des joueurs, non plus des personnages, des joueurs a changé. C'est tout le jeu. C'est tout l'enjeu. Ouais, d'accord. C'est comme une espèce de parallélisme entre les Russies et la Terre. Absolument. C'est 20 ans plus tard, mais réellement. Réellement. Ouais. On a fait un travail là sur l'art, par exemple. Donc, dans la première édition, l'art était. Enfin, il y avait un processus d'acculturation des humains, c'est-à-dire que l'art éocien, il était détruit pour que les éociens oublient leur culture. Là, maintenant, il est utilisé, il est récupéré par les grandes familles. Marketing. On fait du fric dessus, on fait du marketing. Mmh. Les chanteurs, on va les chanter. Toi, ils sont dans la rue, ils sont bons, on va les prendre, on va en faire stars. Exactement. Et puis, on va les jeter après, on va en prendre d'autres. Le côté 5-5-5-5, là, le film des Daft Punk, vous savez, où ils sont pareil, sur des races extraterrestres qu'ils prennent et qu'ils jettent. Des disques d'or avec. Et avec tous les types d'art, c'est-à-dire comment instrumentaliser l'art et puis comment, prendre un artiste qui, à la rigueur, peut être bon. Qui va dénoncer des choses qui pourraient même être casse-couilles, quoi. Ouais. Et puis, du coup, t'en fais une star, et puis il a plus de crédibilité, quoi. Mmh. C'est-à-dire, tu refais du marketing, tu le relook, tu en fais. Et tu nécroses, en fait. Tu le nécroses. Et tu le nécroses. Alors voilà. Et tu fais du fric. Et tu fais du fric au passage. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Voilà les enjeux, les problématiques de l'univers de Shane. On va passer, à la dernière partie de ce podcast qui sera plus consacrée à l'édition. Comment est-ce que ça va sortir? Comment est-ce que vous avez fait la promotion? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Parlons technique, publication. Alors, édition. Qui édite? Alors, édition, c'est Origames. Qui est donc la société dans laquelle on travaille, Julien et moi. Moi, je suis associé dans cette boîte. D'accord. Et où donc on va éditer Shane avec un livre de base qui va sortir normalement en septembre. Et puis Origames a déjà édité d'autres jeux. D'autres jeux de rôle, non, mais d'autres jeux, oui. Société Croix. On a fait Croix, en fait. Croix, et puis on est packager pour d'autres éditeurs, pour Yellow notamment, qui ça se passe vraiment très très bien. D'accord. Et donc Yellow, du coup, va distribuer aussi le Shane. Donc voilà, on est dans un processus où on va imprimer le jeu pour qu'il puisse être distribué après en boutique. Sans avoir besoin de passer par un Ulule, parce que c'est Yellow qui nous avance la trésorerie pour pouvoir le faire, en fait. D'accord. Et voilà. Et puis donc après, l'idée, c'est qu'on a les suppléments qui constituent les quatre suppléments qui constituent avec le livre de base le corps vraiment de cette nouvelle édition. Je m'attendais à ce qu'il y en ait 10, vu que c'était ça. Alors, dans l'idée, c'est que ça, c'est les quatre de base. Ça, c'est ce qu'il faut pour que le jeu tourne bien, pour qu'on n'ait pas de soucis. Après, on a derrière. Plein d'idées d'autres suppléments. Si le jeu marche, il y a de quoi donner. Il y a de quoi faire. Avec même l'idée carrément de créer une notion de licence ouverte. C'est qu'on pour des gens qui voudraient effectivement éditer du Shane, eh bien on va leur fournir les fichiers de base, des gabarits, un accès à des illustrations. Et la contrepartie qu'on demande, c'est que ce qu'ils vont créer sera mis à disposition des autres qui voudront aussi faire des choses. Mmh. Donc nous, on va avoir un droit de regard, devoir valider les choses. Relecture, etc. Voilà, mais validation. Après, validation. Mais après, ça sera, ils pourront éditer le truc, le vendre, sans que ça nous pose de soucis par rapport à ça. Voilà. Le jeu est déjà en vente à l'heure actuelle? Non. Il est en cours de renaissance, absolument, de maquette pure et dure, là. Et puis, tu as une date à annoncer? C'est ça, septembre en boutique, normalement. Ouais, d'accord. Voilà. J'avais pas entendu. Tu l'avais dit avant? Je l'avais dit, absolument. Excuse-moi, j'avais pas entendu. Je l'ai dit, il y a des preuves. Des millions d'auditeurs qui pourront témoigner. Plutôt des milliers. Pas peu, des millions encore. Et la gamme est présentée dans le kit. Dans le kit, ouais. Ah, les 4 suppléments. Et on, ah, voilà, ce qu'il y aura dans les suppléments, tout ça c'est déjà défini. Puisqu'en fait, à la base, on avait en gros un bouquin de 800 pages. Mais 800 pages, c'était pas vraiment éditable. Donc on l'a découpé en morceaux. D'accord. Pour avoir voilà, un livre de base. Donc quasiment tous les suppléments sont déjà quasiment écrits et, ouais, et complets. Okay. Quoi. Voilà. Okay. Donc le jeu va sortir avec ses suppléments quasiment, un peu de choses. Après, il y aura tous les 4 oui. mois à peu près du coup, une sortie. Pour savoir aussi à combien les tirer en fonction voilà. des ventes et voilà. tout ça, ce qui voilà. est normal. Ouais, okay. Et en parallèle de ça, en fait, on a aussi un site internet qui est assez actif, qui va permettre donc, de servir de plateforme de communication, de relais d'expérience, d'échange. Tu peux donner l'adresse, d'échange. Alors, j'essaierai de mettre le lien. Shan-rpg.com. D'accord, ok, voilà. Voilà. Okay, et je retiens comme ça, j'irai voilà. chercher, je mettrai en lien. Et surtout, la chose dont on n'a pas parlé, c'est qu'en fait, on a la volonté aussi de faire un jeu PHP. Qui était une des raisons. Jeu en fait, via forum, alors. C'est sur navigateur. Donc, ils utilisent le navigateur, mais comme une interface graphique propre avec une carte du monde, etc. D'accord. Et en fait c'est important à préciser parce que cette renaissance, ce nouveau système de jeu, s'est fait en corrélation en pensant au fait que ça serait aussi un jeu qui se joue sur navigateur. D'accord. Donc il y a des points de jeu, par exemple des compétences ou des pouvoirs qu'on a adaptés pour que ça puisse marcher pour l'un et l'autre. Donc c'est vraiment exactement le même système de jeu qui sera utilisable dans le jeu PHP, qui permet du coup que les personnages qu'on tire pour du jeu papier sont utilisables après en jeu PHP et inversement. Putain, ce que voilà. c'est French Touch. C'est fou. C'est dans cette variété de médias voilà. comme Dofus, Ankama, voilà. tout ça, essayer de créer des jeux. C'est cross-média. Cross-média à fond. Donc l'idée, c'est qu'on voilà, on est là, une carte du monde avec des quêtes dans lesquelles on puisse se plonger. Et ça, tout ça sera disponible à partir de shan-rpg.com. Absolument. Alors, ça sera pas tout de suite. Pas tout de suite. Mais en tout cas, on a plus de verrous techniques, donc on sait comment faire les choses. Après, faut le temps parce que ouais. ça prend un temps monstrueux. Et puis comme c'est fait en dehors de nos heures du boulot, forcément, c'est ça. Voilà. Les retours pour l'instant que vous avez sur ce projet sont bons, très encourageants. Très encourageants. Mmh. Bah oui, en termes de téléchargement de kits, là maintenant, je sais plus. Je pensais qu'il y en ait 30, mais en fait là, on a 1000, voilà, 1000 kits qui ont été téléchargés. Donc vous allez pouvoir tirer le bouquin au moins à 1000, je pense. Alors si on tire à 1000, on perd de l'argent. Donc faut qu'il soit au moins à 2000 en termes de kits, voilà, au moins à 2000. Et puis on verra le temps que ça mettra à ce que ces 2000 soient écoulés. D'accord. Bonne chance, bon courage, Charles. Ouais, merci. Projet qui le mérite. On va suivre ça avec intérêt, puis peut-être que dans un an ou deux, vous viendrez nous faire un rapport de publication, nous expliquer comment ça se passe. Voilà. Avec plaisir. Il n'y a pas de souci, hein. On est ouvert à Shan, ça nous intéresse. Super. Donc voilà ce qu'on pouvait vous dire au sujet de Shan cette semaine avec Julien, Igor et Vincent. Merci à vous d'être venus présenter ce jeu aux auditeurs de la cellule. Eh ben, merci. Super. Et n'hésitez pas à revenir hein, pour nous parler de Shan. On reviendra. Son progrès, on reviendra. Même d'autres jeux, si vous avez envie de revenir avec des projets. Notamment toi, là, Igor, qui a l'air d'avoir un imaginaire complètement débordant. Oui, ça part dans tous les sens. Là, ouais. Ouais. Il y a Dragon Dead aussi, là, sur lequel je bosse un peu en parallèle, ouais. qui est un autre jeu, un autre jeu de rôle, mais qui se fait d'une autre manière. Donc, là, je suis moins impliqué. J'ai fait un système de jeu, j'ai donné des directives, des choses comme ça. T'es parisien, toi, Igor, je suis parisien, je suis parisien. Et toi, Julien, t'es rennais, non? Il est rennais. Donc ouais, on va se revoir. Attends, non, mais si par exemple on a une émission qui s'appelle au début de mois, on fait tous les mois un petit, ce qu'on appelle l'émission One Shot. C'est un test de jeu où après derrière on débrief, on critique, ou sinon on a un autre format d'émission qui est le playtest où on playtest des jeux, etc. Si toi par exemple t'as envie de tester des systèmes, des trucs comme ça, n'hésite pas à venir nous les présenter sur la cellule, Julien, il n'y a pas de problème, on t'accueille, pension complète, etc. et tu nous présentes les jeux, on fait des critiques, on fait du podcast, faut pas hésiter. D'accord. Allez, je fais ma pub au passage. Merci à vous d'être venu nous présenter Shan, bon courage à ce projet. Merci. On croise les doigts pour septembre. On est à fond. Shan. Ce sera notre rencontre. Allez, à bientôt. Au revoir. Shan.